Bon, on va parler, hein. C'est Pyongyang City Rockers. J'entends rien dans mon casque. C'est quoi ce bordel? Ça y est, c'est beaucoup mieux. C'est Pyongyang City Rockers qui reprend pour sa 384e édition. Mon cher Thibaut, qui n'a pas son micro branché. Je suis désolé, Art est puni. Non, tu ne l'es plus. Voilà. Hey, ça va quoi? Ça va? Et toi? T'as mis tes cheveux aujourd'hui? Ben ouais. Bon, c'est bien. Et puis t'as ramené plein de trucs sur une clé USB faite exprès. Ouais. Super. Ouais, c'est éclaté. Un autre qui a fait la même chose, ramener une clé USB exprès avec plein de trucs bien, c'est Mika. Bonjour Mika. Salut. Ça va? Ouais. Ouais. Bon, et bon, j'ai compté, hein, il y a quand même 6 ou 7 titres, ça dure 7 minutes. Quoi. Même oui, pas. Bah, oui. Bon. Que veux-tu? Il va falloir parler aussi. Puis moi, j'ai ramené des trucs aussi, hein, donc ça va. Il y a des annonces de concerts et puis tout le bordel. Et puis sinon, il y a nos éminences grises qui nous regardent, qui vont peut-être dire bonjour au micro, puis on ne sait pas. Dis bonjour au micro. Bonjour. Bonjour. Bon, bah voilà. Et bah voilà. Donc, on va avoir aujourd'hui des nouvelles d'Entrance the Hype. Oui. Entre autres. Tout à fait. Enfin, je ne sais pas. Des petites nouvelles. Dis-nous en plus. Ouais. Des petites nouvelles que vous avez déjà un petit peu annoncées, puisque ouais. j'ai fait trois sorties de disques là sur une quinzaine de temps. Trop bien. Sur 15 jours. Ouais, en fait, ça fait longtemps que je te tanne pour que tu viennes, et puis tu veux jamais venir. Donc un jour, bah, je te chope quand t'es bourré, et puis tu me dis ouais, et puis tu te rappelles pas, puis bah, je l'annonce, et puis c'est trop tard, et tu te voilà refait. Et voilà. Et t'es obligé de venir, alors que demain il part en concert à Pétaouchnok. C'est ça? Tout à fait. Et ben voilà. Et ben donc pour l'instant, voici pas tout à fait du DTTH, c'est du trop mignon, à peine punk, des néo-zélandais de 2022, The Beths, qui font Silence is Golden, parce qu'il paraît qu'on parle trop ici. Voilà, donc okay. Le silence est d'or. Youpi! I'm silence is golden, it's golden, it's golden. Silence is golden, it's golden, it's golden. C'est trop mimi, hein, franchement. Qu'est-ce que t'en penses, franchement? Oui, ça va. Ouais. J'ai pas beaucoup écouté, mais ça va. Ça a l'air d'être sympa. Mais ouais. Un jour, tu vas produire ce genre de groupe Ouais, après, si ça me parle, si le truc qui me. Là, ça te parle Là, pas. Ça, non, moi, hein. Pourquoi pas, ça crie pas assez. Il n'y a pas que des choses qui crient. Oui, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Hein. J'ai arrêté de médire. Alors, tu nous as ramené des choses. Oui. Vas-y. En plus, là, je vois, t'as une pile de disques sur la table devant toi. Alors, une pile, c'est un grand mot. Il y a trois disques. C'est les trois derniers disques sortis sur le label. Ouais. Trois sortes. Ça faisait plus d'un an que rien n'était sorti sur le label, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fous? Je fais autre chose aussi dans la vie. J'ai plein de choses. Du coup, ouais. Pas forcément le temps de tout faire. Pas forcément l'envie. Et puis, pas les occasions qui se présentaient non plus. T'es pas un professionnel qui gagne des millions en sortant des disques qui s'arrachent comme des petits pains? Non. Au CCL, t'avais des piles, ça partait par paquet de 50 là samedi. Ouais, mais je t'ai vu, hein. Non, mais ça c'est la coprod, c'est le. Ah ouais, d'accord. La petite livraison à un autre label, en fait, c'est pas pareil. Ouais. Et oui, mais donc en fait, ça ne paye pas. Hein. Il y a des gens qui croient que les labels avec des noms ronflants comme Don't Trust the Hype font des milliards. Non, pas du c'est tout. Une espèce après... de Elon Musk du disque punk. Ouais, je perds un peu d'argent des fois j'en gagne un tout petit peu, mais tout est réinvesti dans les disques, dans tous les cas, cool. Que ce soit dans la distro ou dans les sorties de disques. Trop bien. Et donc là, il y a eu un investissement conséquent pour sortir C'est Utopie, ça? Oui. Allez, tu me dis celui que tu veux. Je sais pas, dans le... Tu parles de quoi, l'investissement sur une coprod, en fait? Ouais, j'en sais rien, oui, puisqu'on va passer après, parce que là, en fait, je suis dans le brouillard le plus complet. Ça dépend les disques, en comme fait. Comme Parabellum. Je pense que sur Utopie, ouais, je dois être à 600 euros, en fait, dans les coprod. Ce qui n'est pas non plus énorme. Ouais, il faut les sortir, quand même. Oui, c'est en vendant des disques, justement, qu'on peut financer ça. Et puis toi, ça fait quand même un paquet d'années que t'as lancé la machine. 17 ans, là, bientôt. Putain, 17 ans, ouais. C'est beau. 17 ans, oui. Voilà. Et donc, là, tu veux passer quoi, par exemple? Allez, vas-y. On parlait d'Utopie, choisis, par exemple. Choisis, ouais. Allez, hop. On passait un morceau d'Utopie. D'accord. Et du totalement coup, au hasard. En plus, c'est le plus long de ce que tu as ramené. Oui, c'est musicalement, c'est un peu différent des autres, des autres sorties aussi. Donc, ouais. Puis c'est bien, on va démarrer progressivement dans le brutal, enfin pas trop brutal, tu vois, ce que j'ai passé là, Utopie, bon, ça devient un peu plus costaud, sans trop. Ouais. Ouais, c'est un petit morceau un petit peu péchu. Du coup, je vais passer la 8e piste de l'album, qui est l'Autosuffisance, qui est un morceau qui n'est pas dans leur setlist live. Ah ouais. Et pourtant, pour moi, c'est, je pense, ma préférée du disque. Et voilà, j'avais envie de l'écouter. Bah, écoutons-la, Utopie. Les regards sont de travers, visibles à 10 km. Les débats sont éternels, les plans sur les comètes. Pour moi, c'est peine perdue, je n'en sais pas plus qu'hier. Tu nages quand tu J'en étais à me demander pourquoi ils le font pas en... sur scène, parce que franchement, il est super ce titre. Bon, oui, mais... j'en ai parlé justement hier avec ouais. deux des membres d'Utopie. Moi, j'adore ce morceau aussi. Je leur ai demandé pourquoi vous ne l'avez pas joué à la release party, ce titre. Ouais. Bah, parce qu'il faut bien choisir des morceaux et à un moment, pas faire des sets trop longs et ouais. bon. Faire des choix en fait. Certes. Voilà. Moi, si le set était plus long, je ne me plaindrais pas. Mais bon, voilà. Ouais, non, c'est vrai, moi, je trouve pas non plus leur set spécialement long, en fait. Puis ça pourrait durer plus longtemps, c'est juste ça, quoi. Partons à Bordeaux avec des vieux de la vieille qui se sont réunis pour faire un nouveau groupe. Enfin, je pense que c'est nouveau, ça s'appelle Crimes et Camions, des Crimes et des Camions, je sais pas. Le chanteur, c'est l'ancien chanteur de Face Up To It, groupe la fin des années 90 et des années 2000, qui faisait du hardcore à l'ancienne. Là, c'est... hardcore à l'ancienne, mais je sais pas, il y a un petit côté punk aussi. Et j'ai dû ressortir mes vieux trucs de Face Up To It et je me suis rendu compte, en fait, ouais, c'est la même voix, donc c'est vraiment lui. C'est fou, quoi. Et donc, il y a 6 titres qui est sorti début mars, il est dispo sur leur Bandcamp, crime et camion.bandcamp.com. Voici un truc qui parle de l'actualité future ou de l'avenir, peut-être. Enfin, on sait pas si c'est dans pas longtemps ou dans longtemps. Troisième guerre, Crimes et Camions. Si après Crimes et Camions, un groupe qui va passer demain soir au Watermoulin, ils seront en compagnie des Belges de Brain Rot Cowboy. C'est Useless Eaters, ils viennent de je sais plus où, de loin, enfin bref, des États-Unis, ou de plutôt de ce qu'il en reste. Les voici avec, j'avais préparé Bloodstains et puis je me retrouve avec Motorway. Et bien donc le voici, Useless Eaters, donc qui joue demain soir au Watermoulin à Tournai. 20h18 à l'antenne de Campus 106,6 DAB+, Canal 7C et campuslille.com. Mon cher Thibaut, tu vas bien? Ouais, ça va, et toi, à la forme? Ok, ouais. Oui. Tu veux nous passer un titre de Alec et les Japonaises, c'est ça? Bon, on pourra faire ça après, si tu veux. Enfin, je sais pas. En fait, je connais pas, donc. Tu connais pas? J'ai vu le nom sur une affiche, là. je ne sais pas. Ah, c'est un duo belge, très sympathique. Ça va. Les concerts, c'est la fête. On peut dire quand même que ça en. Ouais, c'est punk friendly à fond, c'est cool. Punk friendly. Bah, comme Mika en fait. Hein, Mika? T'es punk friendly toi? Ouais, complètement. Ouais. Complètement punk friendly. Ouais. Complètement punk friendly, bah ça va vous plaire. Alors, dans ta friendship avec les punks, tu fais quoi? T'as sorti quoi d'autre? Dis-moi. Un split, 4 groupes. Ouais. Bon, pour le coup, c'est pas punk proprement dit, puisque c'est des groupes plutôt grind et power violence. Bah, qui c'est du punk. Qui font partie de la scène punk. Le grind, c'est du punk? Non? Ouais, si. Voilà, donc avec Gumo, donc False, LMDA, et puis Insane Herder. Mm-hmm. Donc 3 groupes de la région, et un groupe qui est moitié, qui était implanté plutôt essentiellement à Strasbourg, et qui est moitié Bruxelles, moitié Strasbourg. LMDA? Ouais. Ouais. Et c'est quoi leur délire là? Le disque, en fait, le four-way split s'appelle FC Power Violence. Ouais. C'est un football club, d'ailleurs, il y a des illustrations qui vont bien. Les affiches aussi déclinaient ce type d'illustration. Varum. Alors, je me mets aussi à l'heure strasbourgeoise. Je ne sais pas si on dit Varum à Strasbourg. Mais... Mais je pense que je peux t'expliquer un petit peu. Vas-y, dis. Les 4 groupes sont déjà fort amis. Ils se connaissent très bien, ils ont déjà souvent joué ensemble et ils se sont retrouvés dans un festival. Je me demande si c'est pas l'Obscene Extreme ou un autre festival ou le. Non, peut-être un autre festival, un truc un peu plus petit, Grind the Nazi Scum ou quelque chose comme ça en fait en Allemagne. Et lors de la journée au festival, ils ont décidé de jouer au foot ensemble, ils sont bien marrés. Et de là est germé le concept du FC Power Violence. Mm-hmm. Et pourquoi pas faire un disque autour de ça sur la thématique du football. D'accord. Je sais pas si tu as vu déjà l'intérieur. Non. Bah non, je l'ai posé ce disque-là. Pas du tout. Faut que je te le rachète. Ah, oulou. Faut l'ouvrir. Ah, bah non, elle l'ouvre pas. Ça, c'est un disque pour Gaël qui est pas là ce soir, mais enfin, on pense à lui. Pas celui-ci. Ah, d'accord. Ok. Alors, bon, voilà, j'ai pas préparé, tu vois, il est encore emballé. Tu veux quelque chose pour l'ouvrir? Si t'as une clé, quelque chose qui traîne. Bah tiens, je te laisse l'ouvrir, comme ça tu découvriras par toi-même. Allez, fais montrer. Attends, moi je vais tout casser aussi. On fait un truc très radiophonique, c'est qu'on ouvre la cellophane autour d'un disque. Tu vois. La ASMR. Ouais, c'est trop de l'ASMR. Moi j'en fais déjà le lundi soir et le jeudi matin sur. Alors je découvre. Et je l'ouvre sous vos yeux ébahis. Ah, mais je l'ai vu cette putain de photo. Ouais. Elle a été publiée à un moment sur Facebook, je crois. Et ils sont quand même bio tous. Hein, voilà. Ouais. Donc ils ont poussé le truc jusqu'au bout avant. Voilà. Ils se sont fait leur équipe de football, en fait, avec les maillots. Et une espèce de Sank Paoli, mais Power Violence. Ouais, on peut dire ça. Bon, c'est bien. Je pense que la comparaison, elle pourrait être faite. Quoi. Oui, enfin, je te le rends, parce que sinon, je vais l'abîmer. Donc voilà, 4 groupes sur un vinyle 12 pouces. Rassure-moi, les paroles, quand même, elles sont sérieuses. C'est pas que du football. Qui est pas un truc sérieux. Oui, non, mais complètement. Après, chaque groupe reste dans sa thématique. Même si, par exemple, Gumo ont volontairement, sur certains morceaux, utilisé du vocabulaire venant plutôt du foot. Ouais, c'est bien. Pour imaginer un petit peu le. C'est des bons Gumo. Ouais, bah oui. Ah ouais. Enfin, tous, quoi, de toute façon. Tous, les 4 groupes. Ouais. Bon, par contre, il faut que je trouve les titres parce que là, en fait, j'ai à peu près 1h07 de musique stockée, mais en vrac dans le VLC, donc j'ai plus qu'à. Tu veux passer lequel? Lesquels? Il me semble que vous avez déjà passé pas mal de fois du Gumo. Ouais. Et du coup, je m'étais dit pourquoi pas les morceaux de LMDA et de False. Le Mal des Ardents. Tout à fait. Et c'est le morceau qui porte le même nom. Et puis, False, This Is You, I'd Rather Be Me. Tout à fait. Et là aussi, ils ont bien raison. Enfin, moi, j'ai raison. Donc, voici premièrement LMDA, deuxièmement False, sur le 4-way split FC Power Violence, youpi, sorti chez DTTH. Entre autres, oui. Ouais, enfin, Eddie, ouais, bah, ouais. Ouais. Je n'aurais même pas te citer tous les labels, il y en a beaucoup. Je sais qu'il y a des. Il y en a tellement que tu as dû mettre les. Un copain en Hongrie. Il y a Drinking Beers et le Bandana, avec qui je fais pas mal de coprod. En fait, il y a tellement de labels que tu as dû mettre les logos en petit et du coup, on sait plus les lire. C'est pas moi qui. Mais oui, c'est un petit peu ça. Ouais. L'Honor Cult Records, que tu as vu également, qui était là au CCL, qui est souvent là sur les coprod également. Minga, qui est le label de Mathieu. Toi, tu dis Minga, je crois qu'il disait Maga. Maga. Maga, ouais. Bah, Maga. Chez Maga. Ah, chez Maga. Ouais. Ah ouais, il le vaut, lui. Il est doué, tu sais. T'es con, nous. Voilà. Bref, voici voilà. Donc LMDA suivi de False. Ouais, en fait, c'est limite hardcore et power violence. Hein, c'est... Oui, oui, c'est ouais, mais c'est voilà. Deux, en fait. D'ailleurs, c'est l'étiquette qui se donne. Alors, justement, le téléphone n'arrête pas de crépiter. On devrait être invité plus souvent. parce que, donc, on a des gens qui nous font remarquer. Premièrement, une auditrice fait remarquer que le titre d'Utopie qu'on a passé tout à l'heure fait très trust. Soit. Ou alors Beru, tu disais. Ouais. Un petit côté Beru dans la rythmique, ouais. Un petit peu. Ouais, voilà. Et alors, à l'instant, un auditeur régulier. D'émission qui fait aussi des émissions dans une radio concurrente et néanmoins amie qui demande si c'est du street grind. Non, c'est du football soccer grind. Voilà. Maintenant tu sais quoi, Schnaps. Vas-y, dis Schnaps. Allez, je continue de passer en revue quelques trucs. Ah, bah là, je vais passer un titre, c'est super long. Il dure 6 minutes, donc on a le temps de boire un coup, mais vraiment longtemps. C'est au Summer Vacation qui vont passer vendredi avec Bongo Kids et. Violence banalisée. Ouais, tu connais Violence banalisée, toi ? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais, comme ça. Ouais. C'est curieux. On dirait que des fois, t'es derrière derrière la batterie. Ah, bah ouais. Bah c'est pour ça que je les connais un peu de dos. Ouais. Et ça vrai, ils sont mieux à regarder de dos que de face. Bah du coup je sais pas. Je les vois que de dos moi. Voici oui. Donc ouais alors au Summer Vacation j'avais vu que c'était labellisé alternative rock. Ouais carrément mais c'est une proposition en fait du CCL quand j'ai réservé la date donc pour Bongo Kids à la base. Et on m'a proposé, j'ai écouté, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et j'ai dit, bah, allez, let's go. Ouais. Puis ça aide des pannes en tournée et tout. C'est et en fait, de rock alternatif, il y a un côté Doc Festerman, genre. Bah ouais, il y a des. Voilà. C'est, pour les oui, yeux, hein. c'est rugueux comme pour du rock alternatif, je trouve aussi. Ouais, mais bon, en vrai, ça va coller parfaitement pour finir la soirée. Ils vont clôturer, a priori. Je pense ouais. Que ça va être très bien comme ça. Mmh. Voilà. Ok. Et voilà. Donc, c'est vendredi, rendez-vous au Centre Culturel Libertaire, 4 ouais. Rue de Colmar, métro Porte des Postes, à 20h. 21h. Bon, ouais, bon, on laisse le temps de manger quand non, même. On peut arriver à 20h et puis on boit un coup. On peut arriver à 20h, on peut boire un coup. Alors, faites attention parce que quand il y a du monde, à un moment, le bar il ferme super vite parce qu'il n'y a plus de bière. Donc, puis après, comment qu'on fait donc, faut être donc, prévoyant. Comme samedi dernier, là. Il y avait un peuple fou. Et donc, j'espère la même chose pour vendredi. Voici au Summer Vacation qui viennent de Kobe et qui font maintenant Choukou A. 20h36 minutes à l'antenne de campus sur 6,6, etc., etc. C'est Pyongyang City Rockers numéro 384. On vient d'écouter une reprise de Agent Orange par Cosmic Joke, Bloodstains. Et puis, ouais, ça fait partie d'un disque qui est sorti pour venir en aide aux gens qui ont perdu pas mal de choses dans les incendies de Los Angeles plutôt cette année. Comme quoi, les Américains, hein, c'est comme les autres, ils n'adhèrent bien. Puisque c'est encore en train de boire dehors, j'en profite pour passer mes trucs. Encore un truc qui va passer. Samedi, au Bel Ouvrage, à Lille, c'est Shoot, je crois que j'ai déjà passé ici, je ne sais plus. Bon, bref, les voici avec Laughing Mouth. Ils seront au Bel Ouvrage en compagnie de Mr. H et Minimaliste. Mais bon, comme j'ai déjà passé assez de Minimaliste, eh bien, du coup, je passe quand même Shoot avec Laughing Mouth. Ah voilà, c'était Shoot. On s'est pas encore shooté. Il est 20h40 minutes. Il est temps de passer quand même des trucs, hein. Nika, ça va pas du tout, ça. C'est quoi ce bordel? On a déjà passé de la musique. Ouais. J'ai déjà passé 3 morceaux. Putain, c'est vrai. Ouais, mais toi, quand tu ramènes des trucs, ils font une minute en moyenne, quoi. Ouais, du coup, faut que tu viennes avec au moins 20 titres. À chaque fois. Ah ouais, mais bon. Vous passez souvent beaucoup de choses, donc. Ouais. Parce que j'écoute. L'émission. Ah, c'est toi qui écoutes toutes les semaines? Pas en direct. Il y a un auditeur, tu sais. Pas en direct. J'avoue, l'horaire n'est pas pratique pour moi, mais. T'es pas assez vieux pour écouter en direct? Je suis pas encore assez vieux pour écouter en direct. Ouais, mais j'écoute les podcasts avec des pantoufles. Quelqu'un de vieux. Alors, tu fais ce que tu veux et tu l'écoutes comme tu veux. Hein. Je t'en prie. Pendant ce temps-là, il y a encore des trucs qui sont en train de passer alors que le potentiomètre est à zéro. Ça y est, Jérémy, ce qu'on va passer après, c'est quoi? Quel est ce disque? que tu tiens devant toi. Donc c'est la troisième sortie du label, dernier disque sorti en date. Celui qui touche, regarde, il touche. C'est donc le disque de Jody Foster, l'album Saint Lundi. C'est des gens que tu connais, hein. Un groupe dont je fais partie. Ouais. Ah ouais, ah d'accord. Tant qu'à faire, je me sors aussi mes disques, autant en profiter. Ouais, c'est pas mal. Mais il y a aussi d'autres labels au-dessus. Oui, on est 8 labels en tout sur 8 pays. Voilà. Ça sur la distribution, youpi. Voilà, on connaît tout le monde en fait. Donc c'est les mêmes, hein, depuis les deux précédents disques. Cool. Voilà. Trop bien. Ouais. On fait ça en famille. Ouais. Et alors là d'ailleurs, on va en profiter pour parler de l'actualité demain. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Allez, dis-le. Demain, on part, on se fait une petite tournée en Angleterre avec nos copains de Short Days. Oh putain. Et où on va jouer, donc, entre autres, au Manchester Punk Festival, où nous, on fait notre sortie de disque en Angleterre. Là-bas. Vous êtes déjà allé à Manchester, là, ce festival-là? C'est la troisième fois pour Jody Foster, oui. C'est bien. On est content. Là, c'est les 10 ans et ça s'annonce encore super cool. On va bien rigoler encore, je pense. Il faudra que j'y aille un jour. Ouais, c'est cool. C'est... Après, il faut aussi prendre quand même assez tôt. C'est 3 jours et je crois même qu'il n'y a même pas de billet à la journée. Et tu as un billet qui sert aux 7 salles, en fait, parce que c'est dans 7 lieux différents en plein centre-ville. Ouais. C'est assez drôle, d'ailleurs. Il y a des punks partout en ville. Ouais, c'est cool. Ça va des salles... Je pense que la plus petite salle doit faire une capacité de 250 personnes. La plus petite? Ouais. Et la plus grande, ça doit être 1000, je pense. Ah oui, c'est 1000, pas la bulle solo. Non, ouais, c'est quand même des... Ah mais c'est bien, hein, y a... Ouais. Beaucoup de monde, même tôt, très tôt. Quoi. Ouais, et puis ça vient de partout en Europe, je suppose. Ouais. Très bien. Je sais pas si c'est un truc qui pourrait être fait en France, ça, de faire un festival sur plusieurs jours dans différents lieux. Enfin, ce festival punk hardcore disséminé en plein centre-ville. Allez, on est chaud, Stéphane. T'as une idée. Ouais, je pense que si, c'est faisable, mais peut-être pas à la même échelle, en fait. On a quand même pas. Enfin. C'est l'Angleterre, quoi, la musique punk et la musique rock en général. L'Angleterre, quoi, c'est quand même autre chose qu'en France. C'est comme la Belgique, quoi. Ils sont quand même plusieurs crans au-dessus. Ouais, quand même. Puis déjà, ici à Lille, par exemple, il faudrait trouver les salles. Ouais, il y a déjà un petit coin là, que je visualise bien, où ça pourrait bien fonctionner sur deux lieux différents. Quoi. Ouais, qui sont dans la même rue en face. Ouais, pas très loin. Avec la même patronne. Ah non, mais moi, je pensais même pas à ça, en fait. Ah, moi, je pensais carrément des lieux alternatifs et associatifs. Ok, oui, ça va. Voilà. et justement, pourquoi pas joindre des bars en plus, concerts. On a des idées, les gars. Bon, on va en parler là, après. Pour l'instant, donc aussi... ah oui, alors le Saint-Lundi, on l'a déjà dit, je sais plus. On a déjà parlé de ce Saint-Lundi, de ce que c'est que cette histoire. Ou je sais plus. Il me semble ou il me semble pas. Allez, répète-le, ce que ça veut dire, c'est quoi ce Saint-Lundi? Donc le Saint-Lundi, c'était une tradition qui date des milieux ouvriers, enfin pas ouvriers pas à cette époque-là, mais on va dire pour les travailleurs au niveau du Moyen-Âge. Des prolétaires. Moyen-Âge, prolétariat, c'était pas encore, je pense... Ça commençait, bon, je pense que... Et donc c'était on va dire que le Saint-Lundi, c'était une journée prise, une journée de grève, une journée chômée, prise sans préavis, sans forcément prévenir... les employeurs, les patrons. Le lundi, pour se différencier aussi du dimanche, qui était la journée de l'église. Ouais, et donc, il était quand même saint et c'était fait sous les auspices de l'église. La religion. Le lundi, ouais, non, ah, non, tu dis, c'est saint lundi. Saint lundi, il était nommé comme ça, en fait. Ouais. Ouais, mais une fois qu'on dit que c'est saint, ben voilà, même le roi, il a peur. Hein, voilà. Et donc, oui, là, donc, les classes ouvrières, on va dire, se réunissaient à la taverne pour discuter, organiser des grèves, les premières discussions politiques. C'est toujours dans les bistrots que ça commence. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça ferme. Tu vas au Lyoté, y a toujours des espèces de révolutionnaires dans les coins. Et donc, au Moyen-Âge, il y avait déjà des Lyotés. Voilà, dans les tavernes. Ouais. Donc là, voilà pour le nom de cet album, Saint-Lundi. Oui. Et alors, tu veux passer quoi comme titre? Une histoire de pain. Oui, c'est ça. Bread is expensive, slice it thin. Slice it thin. Et call me stupid. Et alors, t'arrives à le prononcer, ça, quand dans faire sur scène? Bread is expensive, thin. Pas le temps de le citer, ce morceau, en fait. D'accord. On enchaîne un petit peu les titres, et du coup, on a... Ouais, c'est bien. Ouais, puis on annonce rarement, quand même, les... Personne n'y comprend. Oui, puis c'est pas toi qui annonce, en fait, c'est Clément. Clément qui annonce, oui. Ouais. Et en plus, on annonce rarement les titres des chansons, plus la thématique. Mmh. Ok. Voilà. Et là, la thématique, donc, c'est que bah, quand le pain est cher, il faut en faire des fines tranches. Ouais, non, non. Là, par rapport à la phrase, Belgique, c'est, justement. On a repris une phrase, en fait, qui date de la guerre. Et, ouais, je t'ai demandé, là, juste avant, là, ouais, j'ai dit, bah, que ça veut dire. Boubourg, c'était. Par contre, ça parle pas du tout de ça, en fait. On prend plutôt. On taille un peu dans les rhétoriques de droite, ouais. Très à droite. Du coup, on reprend un petit peu leur thématique, leur petite phrase. Ouais. On s'amuse un petit peu. Pour les subvertir. Voilà, tout à fait. La subversion. Eh bien, voici Jody Foster avec Dis-le. Bread is expensive, slice it thin. Et ensuite, Call Me Stupid, si j'y arrive. Comme vous, vous avez tout fait, quoi. Enfin, je veux dire, du punk et du hardcore. Ouais, voilà. Et ben Max Romeo, c'est pareil, il a commencé par faire... viens le dire, parce que toi, tu as les connaissances, Manu. Je vais te laisser faire, tu fais ça. Bah non, mais moi, je connais rien, moi. Donc, ouais, il y a Schperl qui est mort, c'était quand même un des papes du reggae. Enfin, pape, entre guillemets. Hein. Max Romeo, qui était prévu pour... Il devait venir au moins faire un ou deux concerts dans le coin. Enfin, en France. En tout cas, cet été, il ne pourra pas, vu qu'il est décédé vendredi dernier, il me semble. Bavlock, oh, c'était un gars qui avait bossé avec tout le monde, Lee Perry, même Bob Marley, je crois. Il me semble. Si, ouais. Si vu que sur ces albums des années 70, il y a des musiciens des Wailers. Donc voilà quoi. Et donc Schperl qui avait quand même laissé une traînée de tubes reggae dans les années 70, a passé l'arme à gauche la semaine dernière. Nous l'écoutons ici dans un RIP sympathique parce que quand même il faut avec War in a Babylon. De quoi que ça cause, bah ça cause des flics qui n'aiment pas les dreadlock men, qui le leur rendent bien d'ailleurs, et de la guerre à Babylone, c'est dangereux là-bas. R.I.P. Max Romeo and the Upsetters War in a Babylon. War in a Babylon. Tribal war in a Babylon. Is it floating? Tribal war in a Babylon. night before I slept, no. So war in a Babylon, tribal war in a Babylon. Is it love day? Is it love day? Oh yeah. War in a Babylon, tribal war in a Babylon. Is it love day? Shall bring him low, yeah, oh yeah. And I shall uphold the humble in spirit. And you know it's true, yeah, oh yeah. War in a Babylon, tribal war in a Babylon. Who was disciple out there? So what you do? Beside out there. Tribal war in a Babylon. Who is disciple out there? So we fit down and we slide out there. Oh yeah. Disciple out there. Who we fit down and we slide out there. Oh yeah. Encore 5 minutes à passer ensemble dans Pyongyang City Rockers numéro 384. Alors Mika, les prochaines sorties, c'est quoi? J'en ai pas pour l'instant. Oh ouais? Il n'y a rien dans les tuyaux, j'ai même pas un truc secret que je peux pas dire. Non, peut-être tu vas remplir ton catalogue à Manchester, on sait pas. Hein. Ouais, je sais pas, mais bon là, je t'avoue que trois disques là qui viennent tous de sortir, et puis... Ouais, faut assurer maintenant leur diffusion et leur distribution. Oui, voilà, j'ai pas forcément envie de sortir trop de choses, tu vois, pour... faut quand même faire les choses bien, tu vois, donc... J'ai pas forcément beaucoup de temps, donc me mettre trop sur trop de sorties, je pense que j'arriverai même pas à gérer la promo, sans parler de la distrib, quoi, en fait, derrière. Bon, alors du coup, comment on fait pour se procurer ces disques si on n'est pas sur place à Lille, dans les concerts qui vont bien, genre au CCL? Comment qu'on fait? sur Internet, j'ai un petit webstore. Ouais. Bon, déjà sur Bandcamp, c'est possible de les écouter, les télécharger gratos et, donc c'est quoi, et de les acheter également. C'est DTTH. Ouais, c'est ça, DTTH.bandcamp.com. Ou après, j'ai un web store avec une adresse encore plus compliquée sur Limited Run. Ouais. Mais le lien est via le Bandcamp, en fait. Où là, il y a par contre, il y a toute ma distro. Il n'y a pas que les disques sortis par le label, mais aussi tout ce qui est dans mes bacs de disques en distro. Bon, donc la seule adresse à retenir, c'est le Bandcamp. Ouais, et puis ça dispatche vers le reste. Voilà, donc procurez-vous ces scuds, ils seront tous vachement bien. Et puis, merci Mika d'être venu. Merci. On va encore rester un petit peu, on a des bières à finir. On a de la musique à écouter, comme par exemple ces néo-zélandaises de Electric Prawns numéro 2. C'est le nom du groupe, hein, Electric Prawns 2, les crevettes électriques. Deux. ça vient de sortir, là, je sais plus, genre avant-hier ou hier même. Il s'agit de quelqu'un qui pète dans son sommeil, farting in her sleep. Les micros, parce que dans 15 secondes il faut rendre l'antenne, c'est Teeth Grinder qui va arriver, ensuite il y aura B-Boy Bouillabaisse. Écoutez, ouais, et puis on vous dit au revoir à la semaine prochaine pour la 385e de Pyongyang City Rockers. Au revoir Mika. Salut. Et puis au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Et on n'oublie pas ACAB. Radio Campus Lille, il est 21h.